flèches directionnelles sont une aide très efficace au placement sur la chaussée. On peut avoir des doutes avec les panneaux directionnels en forme de flèche. En effet, ils sont placés de l'autre côté de la chaussée et un débutant peut se demander si la direction annoncée concerne la prochaine intersection et non pas celle qu'il aborde. Donc ici, je suis très bien placé pour aller tout droit et rejoindre les directions inscrites sur ces panneaux. Mais puisque personne ne circule dans la voie de droite, je suis mal placé pour tourner à droite, même s'il n'est pas interdit de le faire. Réponse A et D.